Long Zero. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut, bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Des musiques de films, des chansons de films, des interviews, des bandes annonces. On va se balader pendant une heure dans l'univers du 7e art. On commence avec Céline Dion. Eh oui, on commence toujours en chanson avec I'm Alive, cet extrait de la bande originale du film Stuart Little 2. Oh, 1975, Claude Lelouch réalise Le Chat et la Souris avec Serge Reggiani, Philippe Léotard et Michel Morgan, pour qui ce sera le dernier film de cinéma. Un riche industriel, Monsieur Richard, décède brutalement dans sa villa de la région parisienne et ses toiles de maître disparaissent. Mis sur l'enquête, l'inspecteur Le Chat, aux méthodes peu traditionnelles, ne se satisfait pas de la piste évidente du vol. Le meurtrier serait-il Madame Richard malgré son alibi imparable? Ou bien plutôt la maîtresse de la victime, Manuel? Et que penser de l'agent d'assurance? Claude Lelouch nous parle de sa rencontre avec Michel Morgan et juste après, nous écouterons la musique du film signé Francis Lai. Et alors là, j'ai découvert une actrice étonnante. Étonnante, je me suis dit, je vais tourner avec Michel Morgan, comment elle va s'adapter aux nouvelles techniques, comment elle va s'adapter à un metteur en scène comme moi, comment elle va accepter l'idée de ne pas lire un scénario, elle qui a lu des scripts toute sa vie, comment elle va accepter de partir. J'aime pas le mot improvisation, c'est pas de l'improvisation que je fais, mais si vous voulez, je laisse mes personnages à un moment donné me faire cadeau de leur intime conviction, de leur jardin secret, comme je disais l'autre soir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand l'acteur commence à ne plus jouer la comédie, quand il commence à redevenir un être humain, il y a des parfums de vérité comme ça qui fait que c'est ce que j'aime le plus dans mes films, c'est ce que j'attends tous les jours quand je vais sur le tournage. Et j'ai découvert en Michel Morgan une actrice qui s'amusait avec ça. Toute sa vie, elle avait tellement, elle s'était tellement appliquée à la virgule, à la ponctuation prête, à restituer les scénarios qu'on lui avait donnés, qu'elle s'est éclatée. Elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde que le cinéma pouvait être aussi un lieu de liberté où l'acteur pouvait à un moment donné redevenir un être humain. Thank you. Le chat et la souris, musique de Francis Lai du film de Claude Lelouch, Le chat et la souris, est sorti en DVD chez Lancaster. Changement d'ambiance, en 1977, la bande originale la plus vendue au monde, les Bee Gees. Staying Alive, la fièvre du samedi soir, bien sûr. We can try to wonder.

Vous vous souvenez certainement de cette danse de Billy Elliot dans les rues de son village, A Town Called Malice. C'était bien sûr extrait de la bande originale de Billy Elliot. This is no Mickey Mouse school. You're not getting off easy because you're talented. You work twice as hard. Now, I don't care how well you dance or how cute you are or how many colored tutus you have. If you don't give your academic subjects equal time, you're out. For Coco, it's the stardom. For Ralph, it's a chance. For Leroy, it's survival. For Lisa, it's the dance. Bruno, this is our big chance, man. Don't you want success? They've got nothing in common but a dream. So you want to be an actor, huh? Yeah, sure I want to be an actor. Judy, Judy, Judy. A dream that one day, the whole world will know their name. Because I'm going to be a dancer. A good dancer. You know who says so? Me. A dream of fame. Fame. It's the dream of instant success. I'll have $20,000 a week. I'll have a hit TV series. I'll have my face on the cover of TV Guide. And the constant reminder of failure. I don't think you'll ever be good enough, Lisa. But I don't know what I'll do if I can't dance. When I'm down and feeling blue. It's dedication. Dance is not a way of getting through school. It's a way of life. And frustration. It's stage fright. Memories. And opening nights. Kids are into sex a lot earlier in the South Bronx. Like about 6 a.m. If I ask you to hold me tight. It's love. Through a cold, dark night. It's pain. All anyone ever promised you was 7 classes a day and a hot lunch. It's contagious. You want to know what's happened to me, man? Success, all right? Now you either hang on or you hang up. It's outrageous. It'll change your name. I'm becoming an actress. But I want you to be the Doris that I know. It'll change your life. I'll pay my dues on the West Coast. Come back to New York as a star. If they've really got what it takes, it's gonna take everything they've got. Metro-Goldwyn-Mayer presents an Alan Parker film, Fame. Close my eyes. extrait de la bande originale du film Fame. C'était Paul McCrane avec Miles From Here. On va du côté de la nouvelle vague maintenant avec Georges Delerue, compositeur mythique de cette époque, avec la bande originale du film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et puis après, nous irons du côté des choristes. Mathieu, le nouveau surveillant. Assemblement ! Tout le monde à la cour ! Assemblement ! Silence ! Silence ! Ils sont comment les gamins exactement ? On vous a pas dit. On dit pas ça ! Silence ! T'as vraiment une gueule de connard toi ? Qui est monsieur Morange ? Morange. Parle pas beaucoup mais faut s'en méfier. Tête d'ange mais le diable au corps. Monsieur, j'ai rien fait ! Toi t'es mort. Ah oui ? Monsieur Mathieu, action. Réaction. C'est peut-être mieux. 3 km à pied, ça use. C'est du bon tabac dans ma tabatière. Je te nomme pupitre. Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale. Le problème, Morange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. J'ai encore prouvé les graffitis. Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. Monsieur le directeur, les gosses n'ont plus d'eau chaude depuis 3 semaines. Le froid, c'est très bon pour la circulation. Sortez. J'ai pas dit à ta mère que t'avais été puni. Je lui ai dit que t'étais chez le dentiste, qu'on ne trahit pas. Au fait, Mathieu, finis la chorale. Et monsieur le directeur... Merci, monsieur Mathieu. Ils ont des chapeaux ronds, vivre les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vivre la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vivre les Bretons. Soprano, à gauche. Leclerc. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Oui, c'est presque juste. Alto, à gauche.

60, un agent secret international fut mis en hibernation, au cas où le monde aurait à nouveau besoin de ses services. Aujourd'hui, le mal absolu menace la planète. Il faut le ramener dans les années 90. Les effets personnels d'une nommée Danger Powers. Non, je m'appelle Austin Powers. Danger, c'est le surnom qu'on m'a donné. J'ai une décharge à vous faire remplir. Powers. Sexe avec plaisir. En son temps, il était l'agent secret le plus cool. Malheureusement, ça n'est plus son temps. C'est un branché chez les frustrés. Les tas de choses ont changé entre temps. Et un étranger dans un monde étrange. Ma mère, Mrs. Exposition. Charmant. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est un homme, t'entends? Un mec, poupée. Un développeur de pénis suédois à pompe. Non, c'est pas à moi. Mike Myers. Un peu de tenue. Elizabeth Hurley. N'oublie pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nique maintenant ou on nique tout de suite? Austin Powers. L'homme mystère international. C'était l'empereur du groove et du swinging London, Austin Powers himself, avec la bande-annonce du film, et puis à l'instant, le morceau Soul Bossa Nova qui a été utilisé dans le film, un morceau signé Quincy Jones. Tout de suite, je vous propose de plonger dans l'univers d'Alfred Hitchcock avec son compositeur mythique Bernard Herrmann et la musique du film La mort aux trousses. Et juste après, nous aurons François de Roubaix et le générique de L'homme orchestre de Serge Corbert avec Louis de Funès.